Chapitre 10e. Florence Burton au presbytère. Harry se rendit à Stratton, passa une nuit chez le vieux M. Burton et conduisit Florence à Clavering le jour suivant. C'était un voyage de 20 000 à travers la campagne. Tous les deux l'avaient attendu avec impatience, et Florence, en dépit de la froideur et des reproches que sa prudence lui avait attirés de la part de son fiancé, éprouva un véritable bonheur à se sentir assise à ses côtés sur la voiture qu'on avait envoyée exprès du presbytère. Ils n'avaient pas encore échangé un mot au sujet de leur correspondance, et Harry ne se souciait pas d'en parler. Il se proposait de continuer à se venger par le silence. Mais telle n'était pas l'intention de Florence. Non seulement elle voulait faire triompher sa volonté sur le point en question, mais encore faire partager ses idées à son fiancé. Le temps était à souhait pour un pareil voyage. Il faisait froid, mais pas assez pour les incommoder. Il y avait un peu de vent, mais il n'était pas assez fort pour être désagréable. À un certain moment, vint une légère ondée assez menaçante pour donner à Harry l'occasion d'envelopper soigneusement sa compagne, mais il avait à peine fini que l'averse était passée. Tous deux avouaient que cette manière de voyager était infiniment préférable au chemin de fer, et qui ne serait de cet avis s'il pouvait toujours voyager dans de pareilles circonstances. Harry, tout en poursuivant sa petite vengeance et en gardant un silence obstiné sur la lettre de Florence, n'avait aucune envie de se rendre désagréable. Il remplissait à merveille son rôle de fiancé amoureux, et Florence était au comble du bonheur. « Harry, dit-elle enfin, quand ils eurent fait environ la moitié de la route, vous ne m'avez jamais dit ce que vous pensiez de ma lettre. Quelle lettre ? Il savait très bien où elle voulait en venir. Ma lettre prudente et sage en réponse à la vôtre, qui dénotait un manque absolu de prudence. Je croyais qu'il n'y avait plus rien à dire là-dessus. Allons, Harry. Je ne veux pas qu'il y ait entre nous de sujets que nous craignions d'aborder. J'ai deviné l'intention que vous aviez eue, ne me répondant pas. Vous avez voulu me punir, n'est-ce pas, d'avoir une opinion différente de la vôtre, n'est-ce pas la vérité? Vous punir? Non, ce n'était pas là mon intention, c'est plutôt moi qui étais puni, je crois. Mais vous convenez que j'avais raison. Qu'en pensez-vous? Je crois que vous avez eu tort, et je ne me soucie pas d'en dire plus long en ce moment. C'est possible, mais moi, je veux en parler. N'est-il pas souverainement important pour moi que nous soyons d'accord là-dessus? Je n'ai pas d'autre objet que vous pour occuper ma pensée. Mon seul espoir est de vivre assez longtemps pour devenir votre épouse. Mes seuls soucis au monde sont ceux que vous m'inspirez. Allons, Harry, ne soyez pas boudeur avec moi. Je ne boude pas, je vous l'assure. Dites-moi donc une bonne parole. Assurez-moi que vous me croyez quand je vous dis que ce n'est pas de moi que je me préoccupe, mais de vous. Pourquoi ne voulez-vous pas vous reposer de cela sur moi? Je vous le répète, nous pouvons très bien nous tirer d'affaire avec notre petit revenu. Si vous voulez me promettre de consentir à notre mariage cet été, je ne voudrais pas un instant de plus. Non, Harry, je ne saurais vous promettre cela. Je trahirais en le faisant mes devoirs envers vous. Eh bien, il est inutile d'en parler davantage. Voyons, Harry, si 2 années d'attente vous paraissent trop longues. Assurément, je les trouve trop longues. N'est-il pas toujours ennuyeux d'attendre? Il n'y a rien qui m'impatiente plus que cela. Écoutez-moi, reprit-elle d'un ton sérieux, si 2 ans d'attente vous paraissent trop longs, si vous ne pouvez vous y résigner, je vous rends votre parole. Florence! S'écria-t-il, écoutez-moi jusqu'au bout. Moi, je ne changerai pas. Et si plus tard il vous plaît de revenir auprès de moi au bout des 2 ans, vous pouvez être sûr de l'accueil que vous recevrez. Et quel avantage cela aura-t-il pour moi? L'avantage de vous délier d'un engagement qui pourrait vous faire souffrir. Croyez-le bien, Harry, tout ce que je désire, c'est votre bonheur. C'est là tout mon souci, l'objet de toutes mes préoccupations. Harry lui jura, avec 1000 et 1000 serments, qu'il ne voulait pas la dégager de sa promesse, qu'il ne lui donnerait aucun prétexte pour renoncer à lui, qu'il était bien décidé à s'attacher si fermement à elle que si un jour elle venait à le trahir, tout l'odieux de cette perfidie retomberait sur elle seule. Il était prêt, disait-il, à l'épouser le lendemain. C'était son vœu ardent, et il restait convaincu que ce serait pour leur bien à tous les deux. Et si elle n'y consentait pas pour le lendemain, ce serait pour le jour suivant, et ainsi de suite, jusqu'au jour où il lui plairait de devenir sa femme. Il continuerait, disait-il, de la tourmenter à ce sujet une fois par semaine, jusqu'à ce qu'elle cédât, et enfin, il lui cita un vers latin qu'il traduisit et voulant dire qu'une goutte d'eau qui tombe incessamment finit par creuser la pierre. Tout cela n'était guère d'accord avec la déclaration qu'il avait faite devant la vieille Mrs. Burton, à qui il avait juré de ne plus parler de ce sujet à Florence. Mais les hommes changent souvent de résolution, et Harry en changeait plus souvent que les autres. Florence l'écouta faire ses déclarations brûlantes, trouva qu'il jouait bien son rôle d'amoureux, et se rapprocha un peu plus de lui en le remerciant de cette chaleureuse effusion. « Cher Harry, reprit-elle, vous êtes aimable et bon, et je vous aime bien sincèrement. » Aussi le voyage s'acheva-t-il très agréablement, et quand Florence arriva à la porte du presbytère, elle se trouvait tout à fait contente de son conducteur. Harry, d'après ce qu'on sait de lui maintenant, n'avait rien de précisément héroïque dans le caractère. Le lecteur le trouvera peut-être léger, inconstant, facile à entraîner, et se laissant aller au mal presque aussi facilement qu'au bien. Il avait ses défauts et ses faiblesses, mais combien n'en trouverait-on pas si l'on retournait ainsi sens dessus-dessous, comme nous l'avons fait pour lui, l'âme de la plupart des hommes. Harry, gradué de son université, haut de 5 pieds et demi, d'un visage agréable et d'une taille élégante et souple, avait conquis l'estime de tous ceux qui le connaissaient en dépit de ses quelques défauts, et je prie le lecteur de le juger un peu comme le jugeait le monde et de ne pas se faire de lui une trop mauvaise opinion. Si ce récit est lu par une jeune personne qui se soit jamais trouvée dans les mêmes circonstances, elle comprendra l'émotion de Florence Burton au moment où elle se trouva en présence de toute la famille Clavering, réunie dans le vestibule. Le vent l'avait un peu ébouriffée en route, son manteau et son châle s'ajustaient mal sur sa personne, et son chapeau était quelque peu déformé. Harry, sans doute, était un peu à blâmer pour cela, et elle avait conscience de sa mauvaise tournure en paraissant devant la famille. Qu'allait-on penser d'elle, et que dirait-on de Harry qui avait fait choix d'une pareille personne? Mrs. Clavering l'avait déjà embrassée avant qu'elle eût le temps de voir le visage de la vieille dame. Marie et Fanny en avaient fait autant avant qu'elle eût pu les distinguer. Et enfin, elle s'était vue saisie et embrassée par un gros monsieur à l'habit clérical, qui sans doute devait être M. Clavering père. Après lui, un autre clergyman, bien plus jeune et de beaucoup plus mince, était venu lui serrer la main. Il n'aurait tenu qu'à lui de l'embrasser aussi pour peu qu'il en eût envie, car elle était trop troublée pour distinguer les personnes et compter les baisers. Je dis qu'il l'aurait pu sans que Florence l'en empêchât, mais je ne suis pas bien sûr que Marie Clavering l'eût vu d'un bon œil, car ce jeune clergyman était le révérend Edward Fielding qu'elle devait épouser 3 jours plus tard. « Maintenant, Florence, lui dit Fanny, montons dans la chambre de maman pour prendre un peu de thé et pour que nous puissions vous regarder à loisir. Harry, nous n'avons pas besoin de vous. Vous avez eu Florence à vous tout seul pendant longtemps. Nous vous la céderons de nouveau ce soir. » Florence fut conduite à l'étage supérieur et se trouva bientôt assise auprès d'un bon feu pendant que 3 paires de bras la débarrassaient de ses châles et de son manteau avant qu'elle eût le temps de se reconnaître. « Nous sommes si heureuses de vous avoir ici, dit Fanny. Nous n'avons qu'un seul frère. Ainsi, vous pouvez penser combien nous tiendrons à vous. N'est-ce pas qu'elle est bien, maman ? Certainement, elle est fort bien, ma chère. Mais je ne l'aurais pas voulu ainsi à sa face, si vous ne me l'aviez pas demandé. Sottise que tout cela, maman. Florence, ne faites pas attention à ma mère qui prend quelquefois un air grave et sentencieux. C'est un air qui sied quand on a du monde, mais vous n'êtes pas une personne étrangère pour nous. J'aime bien le croire ainsi, dit Florence. Je suis enchantée que vous soyez venue en ce moment, dit Marie. Quel bonheur d'avoir la fiancée d'Harry à mon mariage. Je voudrais bien que nous puissions nous marier le même jour. Cela n'est pas possible. Notre mariage est ajourné à 2 ans au moins. N'affirmez rien de la sorte, Florence, reprit Fanny. Nous sommes toutes spécialement chargées par Harry de vous convertir à d'autres idées, n'est-ce pas vrai, maman? Vous feriez mieux de ne pas importuner Florence à ce sujet, aussitôt après son arrivée. Ce n'est guère le moment. On prit le thé, et ensuite Florence fut conduite dans sa propre chambre, et avant de descendre au rez-de-chaussée, elle était dans des termes de familiarité avec les deux jeunes filles. En outre, elle avait surmonté la frayeur que lui inspirait Mrs. Clavering, assez pour lui répondre sans trop se troubler. « Eh bien, mon père, qu'est-ce que vous pensez d'elle, dit Harry, aussitôt qu'il fut resté seul avec M. Clavering. Je n'ai pas eu le temps de l'examiner beaucoup. Elle m'a paru fort jolie. Elle est moins grande que je ne croyais. C'est vrai, elle n'est pas grande, dit Harry d'un ton légèrement mortifié. Je suis certain que nous l'aimerons tous beaucoup. Que doit-elle avoir en fait d'argent? 100 livres par an jusqu'à la mort de son père. Ce n'est pas beaucoup. Peu ou beaucoup, cela ne m'importe guère. Je n'ai jamais songé à épouser une jeune fille pour sa fortune. Pareille chose me fait horreur. J'aimerais presque mieux que Florence n'eût rien du tout. Je ne voudrais pas refuser cette somme à votre place. Il va sans dire que je ne la refuserai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais pensé à cette question quand j'ai demandé sa main. Et je n'aurais pas mis plus d'empressement à l'obtenir si elle eût été 10 fois plus riche. Une femme avec une riche dot n'est pas à dédaigner pour un jeune homme pauvre, Harry. C'est vrai, mais un jeune homme est pauvre de plus d'une manière quand il cherche à s'enrichir de cette façon-là. Je ne suppose pas que vous vouliez vous marier de sitôt, reprit le père. En tout comptant, vous auriez moins de 500 livres par an, et avec cela, vous seriez bien gêné à Londres. Ce n'est pas encore tout à fait décidé. Pour ce qui me regarde, je crois qu'on se préoccupe beaucoup trop des questions d'argent. Je crois que je pourrais vivre en ménage avec 100 livres si je n'avais pas davantage. Et je ne vois pas pourquoi la vie serait plus chère à Londres que dans une autre ville. C'est au contraire l'endroit où il y a plus de ressources pour les gens à petit revenu. L'essentiel est de vouloir se renfermer dans les limites de sa fortune et de se tenir fermement à ses résolutions. Tout en écoutant ces sages maximes qui tombaient des lèvres de son fils, le recteur de Clavering regardait les vêtements coûteux de Harry, l'anneau qu'il portait au doigt, la chaîne d'or attachée à son gilet, les boutons d'or de sa chemise, et il sourit avec douceur. Sans être à beaucoup près aussi intelligent que son fils, il connaissait mieux le monde, et il savait par cœur le caractère et les goûts de son fils. « Il faut une bien grande fermeté, lui dit-il, pour mener un pareil genre de vie. Il y a des gens qui en subissent les épreuves sans souffrir, mais je ne voudrais pas conseiller un jeune homme de les affronter. À votre place, j'attendrai un an ou deux. Venez vous promener avec moi, si vous pouvez vous arracher la dame de vos pensées pendant 1 heure. Je vois Saul au bout de l'avenue. Prenez vite votre chapeau, Harry, et sauvons-nous de l'autre côté. Il vient pour parler à vos sœurs au sujet de l'école. Mais s'il met la main sur vous, nous en avons pour 1 heure. » Harry demanda où en étaient les amours de M. Saul. « Je n'en ai plus entendu dire un mot depuis votre départ. Son amour s'est dissipé comme un songe. Lui et Fanny se comportent ensemble comme d'habitude et il a compris, j'aime à le croire, qu'il avait fait une sottise. En cela, le recteur s'abusait étrangement, et M. Saul n'était pas du tout convaincu qu'il fait une folie. Le soir, Fanny dit en réponse aux questions de son frère, « Il ne m'a jamais reparlé de sa proposition. Dans le commencement, cela rendait ma position fort embarrassante, mais lui ne s'en inquiétait guère. 2 jours après, il avait repris exactement le même air, et il me fit presque croire qu'il avait oublié sa démarche. Et il n'éprouvait aucune confusion, pas la moindre. La seule différence que j'ai remarquée en lui, c'est qu'il me gronde beaucoup plus que d'habitude. Il vous gronde, mais oui, il l'a toujours fait quand il trouvait à redire à mes actes, surtout quand je donnais des congés aux enfants. Mais maintenant, c'est pire que jamais. Et comment le prenez-vous? Comme cela. Je ris d'abord et je finis par obéir. Il se fait obéir de tout le monde à Clavering, excepté de mon père quelquefois. Mais il le gronde, lui aussi. Je l'ai entendu l'autre jour dans la bibliothèque. Et mon père a-t-il cédé? Oui, d'une certaine façon. Je crois que papa ne l'aime guère, mais il sait, et nous savons tous, que c'est un si excellent homme. C'est l'abnégation même. Il n'a que son traitement de vicaire et les aumônes qu'il fait sont étonnantes. J'espère qu'il ne va pas se mettre à me gronder aussi, dit Harry avec une certaine fierté. Comme vous ne vous occupez pas des affaires de la paroisse, j'ai lieu de croire que vous ne risquez rien. Il trouve, je le suppose, que maman fait bien toute chose, car il ne la gronde jamais. On ne dit pas qu'ils doivent s'en aller. Loin de là, je crois que nous le regretterions tous, car il fait tant de bien. Florence accapara toute l'attention de la famille depuis le soir du jour où elle arriva jusqu'au lendemain matin à déjeuner. Mais ensuite on recommença, comme il convenait, à s'occuper de Marie dont le mariage approchait. Il eut lieu 2 jours plus tard. Ce fut une fête pleine de gaieté et qui répandit la joie dans le voisinage. Les habitants de la paroisse en furent bien plus satisfaits que du mariage aristocratique qui avait eu lieu 2 ans auparavant dans la même église. La famille du recteur était aimée de tout le monde et chacun fit des vœux pour le bonheur de la jeune mariée. Au déjeuner qui eut lieu au presbytère, on fit plusieurs discours. Dans cette occasion, le recteur se signala par son éloquence et son fils rivalisa avec lui. Le génie de M. Saul ne se montra pas à la hauteur de la circonstance et quand il se fut levé, pour pérorer d'un ton mélancolique et souhaiter aux deux époux la force nécessaire pour supporter les épreuves de la vie, chacun se prit à désirer qu'il terminât au plus tôt son discours. « Vous ne devriez pas vous moquer de lui, Harry, » dit Fanny à son frère d'un ton de reproche. « Chaque homme a son talent particulier. Vous savez improviser un discours mieux que lui, mais je ne crois pas que vous puissiez faire d'aussi bons sermons. » « Je vois bien que vous devenez amoureuse de lui, quoi que vous disiez, » répondit Harry, sur quoi Fanny, prenant un air offensé, lui dit avec vivacité. « Il n'y a qu'un frère qui puisse me dire une pareille chose, parce que je ne veux pas laisser tourner un pauvre homme en ridicule. » Le même soir, quand elle se trouva seule avec Florence, Fanny lui raconta toute l'histoire de M. Saul. « Je vous confie tout cela, ajouta-t-elle, parce que vous êtes des nôtres. Personne n'en sait rien en dehors de la famille. » Florence promit de garder le secret. « J'y compte bien, ma chère, et c'est pourquoi je vous ai confié la chose. Il va sans dire que je ne pouvais prêter l'oreille à sa proposition. Le pauvre homme n'a aucune ressource, absolument aucune, et puis, indépendamment de cela, il ne me semble pas que cette considération dût être à mes yeux la plus importante, » dit Florence. « Ni au mien non plus. Si j'avais réellement de l'affection pour lui, je le lui dirais en l'engageant à attendre avec ou sans espoir. Voilà qui est tout à fait raisonnable, Fanny. Mais tel n'est point le cas. Et à vrai dire, c'est un homme dont je crois qu'aucune jeune fille ne pourra devenir amoureuse. N'est-ce pas votre avis? Vous voyez qu'il ne veut pas même prendre la peine de se vêtir convenablement. Vous le savez, je ne l'ai vu que le jour des noces. Oh, ce jour-là, il était beau comme un astre, mais attendez un peu de le voir dans les salles d'école. Il y vient très fréquemment, tout comme si rien ne s'était passé. C'est un si excellent homme. Je le plains, sincèrement. Il m'est impossible de deviner, d'après son air, s'il a renoncé à cette idée. Je le suppose. Sans doute il y a renoncé, car il doit voir qu'il ne servirait de rien d'y penser davantage. Mais c'est un de ces hommes dont vous ne pouvez jamais dire s'ils sont contents ou non. Il est impossible de deviner ce qui se passe dans son esprit. Il n'est pas attaché à sa place, comme l'est votre père, ou non, dit Fanny, songeant que peut-être M. Saul se regardait lui aussi comme attaché à sa position, bien que non par les mêmes liens que le recteur. Eh bien, s'il était malheureux, il pourrait s'en aller, dit Florence. C'est vrai, il pourrait s'en aller, s'il se sentait malheureux, et s'il lui plaisait de s'en aller. Lady Clavering avait assisté au mariage, mais personne autre n'y était venu de la grande maison. Sir Hughes, il est vrai, n'était pas chez lui. Mais comme l'avait dit le recteur, c'était parce qu'il n'avait pas voulu s'y trouver. « C'est un homme, dit le recteur à son fils, qui vous fera toujours une impolitesse quand il en aura l'occasion. » Pour moi, je me soucie peu de le voir. Mais il savait que Marie aurait eu du plaisir à l'avoir à son mariage comme étant le chef de la famille, et il a préféré s'absenter. Il réussit mieux que personne à se rendre odieux. Quant à sa femme, on dit qu'il lui rend la vie terriblement dure. Puis il devient si ladre en fait d'argent. On dit qu'Archie lui coûte les yeux de la tête. Je ne crois pas qu'il se laisse exploiter par qui que ce soit au monde. Archie a des ressources d'autre part, et je ne pense pas qu'il ait encore épuisé sa fortune. Si Hughes lui avançait quelque argent, vous pouvez être sûr que c'est sur bonne garantie. Quant à Archie, son compte sera bientôt réglé, si ce que le mot dit est exact. Il joue sans cesse à Newmarket et il perd chaque fois. Sir Hughes, bien qu'il eût été peu aimable envers le recteur et sa fille, se mit en frais de courtoisie pour son cousin Harry, et il permit à sa femme d'inviter toute la famille du presbytère à dîner en l'honneur de la fiancée de Harry Clavering. Florence reçut de Lady Clavering une invitation spéciale qui fut accompagnée d'un gracieux sourire. Naturellement, Florence en remit à la décision de ses hôtes et il fut décidé qu'ils accepteraient tous l'invitation. Elle avait été faite directement après le déjeuner et il n'était guère possible de la refuser. Le petit discours de Lady Clavering, il est vrai, n'avait été adressé qu'à la femme du recteur et à Florence. Elle ne dit rien au recteur et, partant, il aurait pu se dispenser d'accepter, mais sa femme le persuada. « Vous devez y aller, à cause de Harry, » lui dit-elle. « Je ne vois pas de quel avantage cela peut être, Harry. Cela fera voir que vous donnez votre approbation à son mariage. Je ne l'approuve ni ne le désapprouve. Harry est son maître. Mais si, vous l'approuvez, du moment que vous ne vous y opposez pas. Et puis je ne crois pas qu'on puisse trouver une jeune fille plus aimable que Florence Burton. Nous l'aimons tous, et si je ne me trompe, vous semblez vous attacher à elle, vous aussi. C'est vrai, je m'y attache. Elle est distinguée, et bien que ce ne soit pas une beauté, elle paraît jolie. Elle est pleine d'entrain. Je la crois aussi intelligente. Elle est si bonne. Si elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Seulement, je ne vois pas comment ils pourront vivre. Laissons cela. Comme elle est ici, vous viendrez avec nous chez Sir Hughes. » Mais cette Clavering ne demandait jamais rien envers son mari, et le recteur consentit à ce qu'elle voulait. Il s'en expliqua ensuite avec son fils, en lui disant qu'il regardait cette démarche comme un devoir. « Ce sera fait pour 6 mois, » ajouta-t-il. « Si je n'y allais pas tous les 6 mois, on croirait que nous sommes rouillés, et cela ferait mauvais effet dans la paroisse. » Harry ne devait rester que 8 jours à Clavering, et le dîner devait avoir lieu la veille de son départ. De la matinée, il fit le tour du parc avec Florence, comme il l'avait souvent fait jadis avec Julie, et il saisit cette occasion pour lui raconter toute l'histoire de la famille Clavering. « Aucun de nous, lui dit-il, n'aime mon cousin Hughes. Sa femme, au moins, est inoffensive, et a l'intention de se montrer bonne. Elle ne ressemble guère à sa sœur Lady Ongar. C'est ce que je croirais, d'après tout ce que vous m'avez dit d'elle. Elle n'a qu'un enfant, un seul, un petit garçon de 2 ans. On le dit d'une très faible santé. Et Sir Hughes a un frère? Oui, Archie Clavering. Je le crois encore pire que son frère Hughes. Il travaille encore plus que lui à se rendre désagréable. Et il y a quelque chose dans son regard qui m'a toujours inspiré de la défiance. Ensuite, c'est un être qui ne fait du bien à qui que ce soit au monde. Il n'est pas marié? Non, et je ne pense pas qu'il se marie jamais. Il n'est pas impossible, Florence, que le futur baronnet soit... » Elle ne lui donna pas le temps d'achever, fronça le sourcil, hâta le pas, et ils changèrent de conversation.